ma vie, l'auteur de mon existence. Tu y as pris l'aspect d'un humain pour venir me donner la vie. Cette vie qui ne m'était pas destinée, tu me l'as donnée par adoption. Voilà pourquoi je te chante, voilà pourquoi je t'adore. De ma vie, Jésus. Entre tes mains comme de l'argile entre les mains du potier. Laisse mon âme t'adorer, roi de rois. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. À toi l'agneau. À toi l'agneau. Alléluia. Au Saint d'Israël. Au Saint d'Israël. Alléluia. Dans ce monde, en toi j'ai la vie, vie à jamais. Tu as accompli l'œuvre sur la croix, Seigneur. Cette œuvre dont je suis le résultat. Vie à jamais, mon Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Règne dans ma vie, Jésus. Alléluia. Autrefois esclave du péché, condamné à la mort, mais voici l'agneau de Dieu qui est venu me libérer. En lui je suis plus que vainqueur, triomphant de la mort à la vie. Voilà pourquoi j'ai le chant, voilà pourquoi j'ai l'adore.